Chapitre 10e. La commune de Ville-d'Avray se trouve en grande partie massée sur le sommet de la montagne, des deux côtés de la route de Versailles. Mais les paisibles amateurs de villégiature préfèrent le revers du coteau de Saint-Cloud, lequel forme un des versants de la vallée qui va jusqu'à Sèvres, si l'on peut appeler vallée cette échancrure doucement évasée qu'un poète a comparée à la pointe du corsage de la robe d'été d'une jolie femme. La villa qu'habitait Mélanie Ripert était à mi-côte, à peu près à égale distance du chemin de fer et de la route nouvelle, percée en droite ligne du fond de la vallée jusqu'au mur de clôture du parc de Saint-Cloud. La maison ne présentait rien de remarquable, si ce n'est qu'elle était dissimulée dans un massif de grands arbres et à l'abri de tout regard indiscret. La grille d'entrée même était masquée par un épais rideau de lierre, mais aucun des hôtes de la jeune fille ne devait être d'humeur à faire des observations. Tous, ils avaient hâte d'en finir, le médecin surtout, qui voulait panser la blessure et s'assurer de sa gravité. À tour de rôle, tantôt Sextus Bonenfant et Arnold Barthes, tantôt le médecin et Cabassu, avaient porté le brancard sur lequel Julien de Mulset était étendu immobile. Mélanie n'avait pas osé demander de le porter aussi. Quelques précautions qu'eussent les servants, ils n'avaient pu éviter des secousses. Ils étaient inexpérimentés. De plus, le maniement d'un brancard de malade est très difficile à la descente. Mais que l'on fût en marche ou que l'on s'arrêtât, que le brancard fût dirigé méthodiquement dans un balancement régulier ou qu'il reçût le contre-coup d'un faux mouvement, le patient conservait toujours sa rigidité cadavérique. Le docteur ne le quittait pas du regard. À chaque halte, il constatait l'état du pouls et les battements du cœur, faibles mais sensibles. « Tout va bien », répétait-il chaque fois, répondant aux muettes interrogations de ses compagnons, et l'on se remettait en marche. Lorsque le convoi fut arrivé à l'entrée de la route transversale qui dessert la villa, Mélanie prit les devants et fit ouvrir la grille. En deux mots, elle mit sa camériste au courant de la situation et lui donna ses ordres. Puis elle alla recevoir les survenants, comme eût fait une maîtresse de maison ses invités. La nature a donné aux femmes et la civilisation a développé en elles l'instinct de la prééminence et une aptitude particulière à la domination. Ayant su faire accepter l'hospitalité de sa villa pour le blessé, il y avait maintenant deux personnes en Mélanie. La maîtresse de maison seule se montrait en ce moment. Non que la jeune fille eût oublié le drame où son intervention avait été si terrible. Pendant la longue et silencieuse course, elle venait au contraire de juger sévèrement sa conduite. Mais elle avait pris la résolution de réparer sa faute et de se dévouer. Elle était tout entière à son nouveau rôle. Mélanie dirigea les porteurs du brancard. Sextus, bon enfant, lui-même ne protesta pas. Il posa le précieux fardeau qu'il portait avec Arnold Barthes sur un canapé-lit disposé au milieu du vestibule, la tête tournée vers la porte, conformément aux prescriptions du docteur. L'irascible provençal ne s'était pas amadoué, loin de là. Sa colère s'était augmentée de toute l'irritation que ses fonctions de brancardier improvisé avaient accumulée. Il aurait certainement manifesté sa mauvaise humeur, ne fût-ce que par un grognement, si ses idées n'avaient pris un nouveau cours à la vue de la camériste de Mélanie. « Miette, avait dit la jeune fille, apportez une petite table sur laquelle vous mettrez une cuvette de l'eau et du linge. » Au nom de Miette, provençal entre tous, bon enfant s'était brusquement retourné, et il avait reconnu une ouvrière de fabrique de Saint-Cana, jolie et délurée 15 ans auparavant, aujourd'hui mûrie et sérieuse, mais n'ayant perdu que la fleur de jeunesse. Si ses cheveux grisonnaient, ses yeux avaient toujours un rayon du soleil du midi. Miette, elle, l'avait déjà reconnu, et ce n'était pas sans plaisir qu'elle l'avait vu entrer. Ce n'est pas sans plaisir non plus qu'elle constata le souvenir de son compatriote. Elle s'en alla, légère et souriante, exécuter les ordres de sa maîtresse. L'instant était solennel. Le docteur procédait à l'examen de la blessure et au pansement. Lentement, posément, avec des précautions infinies, il lava la plaie. Mélanie, attentive à tous ses mouvements, lui passait des éponges, de la charpie ou du linge. Les assistants regardaient anxieux, retenant leur respiration. Tout médecin, quelque peu amoureux de ses nobles fonctions préservatrices et réparatrices, est professeur. Un cas pathologique intéressant excite sa verve, et on peut le dire, son enthousiasme. Admirable. Étonnant, murmura le docteur. Et quand il eut terminé son pansement, « Dieu aidant, je le sauverai !» Un éclair de joie illumina tous les yeux. Mélanie, qui contenait depuis 2 heures ses émotions et ses pensées, se jeta dans les bras du médecin, puis, toute honteuse, elle s'enfuit en pleurant. Miette voulut la suivre, le docteur la retint. « Laissez-la, laissez-la pleurer. J'avais peur de son énergie contre nature. Ses larmes me rendent une femme, c'est bien. Quand elle aura payé son tribut à la sensibilité, elle sera en mesure d'entreprendre la longue et pénible faction à laquelle elle s'est condamnée, car ce sera long, très long. La balle a frappé au-dessus de la tempe et enlevé une partie du crâne. Elle a tracé un sillon à la partie latérale gauche et antérieure du cerveau. Le cerveau n'a pas été atteint, fort heureusement, mais le coup a déterminé un épanchement de sang dans les méninges. Si légère que soit la couche sanguignolante, elle suffit pour comprimer le cerveau et empêcher son fonctionnement. La nature doit agir seule ici et dégager le cerveau par une lente absorption. Peut-être y aura-t-il du délire pendant quelques jours. Certainement il y aura paralysie plus ou moins complète et aphasie, ou mieux amnésie, c'est-à-dire perte de la mémoire. Le médecin était lancé, il aurait pu faire un cours, il se croyait à la clinique. Bon enfant l'arrêta. « Grâce, docteur, implora-t-il. Vous êtes un grand savant, c'est convenu. Tous les docteurs sont de grands savants, mais nous sommes des ânes. Ayez pitié de notre ignorance. Que devons-nous faire ?» Le docteur sourit. « Vous devez faire le moins de bruit possible. C'est à cette recommandation que j'arrivais, cher monsieur Bonenfant. Mais vous n'avez aucune patience. Oh, ne vous excusez pas, je ne vous garde pas rancune, vous le savez bien. » « Certes, je voudrais comme vous que notre ami fût sur pied avant 8 jours. Cela n'est pas possible. Il faut attendre avec une patience attentive. » Bonenfant se mordit les lèvres. Il n'était pas au bout de ses déceptions. Mélanie reparaissait. Ses yeux encore gonflés par les larmes donnaient à sa physionomie une teinte mélancolique qui la rendait plus jolie encore. Le docteur, médecin des âmes autant que des corps, lui évita les embarras de sa rentrée en scène. « Je suis à vos ordres, madame, » dit-il, comme s'il avait cru que la jeune fille venait de disposer la chambre du malade. Mélanie nota précieusement cette nouvelle marque de délicate sympathie, mais elle répondit sur le même ton. « J'ai pensé que le meilleur moyen d'assurer le calme à Monsieur de Mulsey... » Elle eut une seconde d'hésitation avant d'appeler par son nom l'homme qui gisait inanimé devant elle. « C'est de lui donner ma chambre. » Prévoyant des objections, elle continua vivement. « Venez voir vous-même, docteur, et vous serez de mon avis. » Et avec sa vivacité d'action et d'entraînement, elle se dirigea vers l'escalier. Le docteur la suivit pendant que les autres assistants laissés au second plan se disaient, chacun à part soi, « Quelle femme est-ce donc ?» Ils n'eurent pas le temps de se communiquer leurs réflexions. Le docteur et Mélanie redescendirent presque aussitôt. La proposition de la jeune fille était agréée. Bonenfant lui-même, après vérification, reconnut qu'il était impossible de la repousser. La chambre de Mélanie était au premier étage, grande, aérée, ayant à droite et à gauche des pièces plus petites dont l'une était un cabinet de toilette, l'autre une seconde chambre. Mélanie dresserait un lit pour elle dans le cabinet. Miette coucherait dans l'autre pièce. Ainsi le patient ne pourrait faire un mouvement sans être entendu pendant la nuit. Il ne restait plus qu'à monter le malade au premier étage et à le mettre au lit. Ce fut l'affaire de quelques instants. L'escalier était large. On n'eut pas de peine à y faire passer le brancard. Le docteur et Miette déshabillèrent Julien et le mirent au lit. Il n'avait pas plus donné signe de vie que si c'eût été un tronc de bois. Pendant ce temps, Mélanie avait quitté son costume de gandin. Elle attendit que son malade fût bien installé dans son lit. Alors elle revint, vêtue d'une élégante robe de chambre et, par droit de conquête, prit possession définitivement de sa chambre, transformée en ambulance. Bonenfant se tira l'oreille droite à s'arracher le cartilage inférieur, ce qui était chez lui le signe de la plus vive contrariété.